Mon bouygues sonne, le boss, nouvelle mission. Comme toujours, c'est le top secret d'obsession. Donc je mets mon survêt white et tous ces gadgets, la blanche casquette de mon pote Bacardi Mike, ma smoke mobile avec mes fausses locks. Direction le lieu du crime, des films prennent en photo. J'arrive dans la boîte de nuit lointaine, plein de pointeurs qui font coin coin coin, 20 fois au moins dans l'heure. Ici les jupes sont tellement courtes qu'elles sont hautes, et souvent on lève les mains en criant oh. Bon, faut que je trouve la bombe avant qu'elle pète, ou le boss va se fâcher, ça fera 7 fois ce mois-ci. J'y vais 8 minutes par toute la nuit, t'es fou, voici la série Zouk. Nous savons tous qu'il y a un temps pour tout. Donc je prends ma pause, Nelly m'approche et me dit: j'suis ta chance, ton billet bingo, vas-y frotte-moi smoke. Donc je la frotte et découvre que c'est pas le gros lot. Pendant ce temps, mon bionique œil gauche grille hétéro. Risque, j'essuie de l'œil sans trop risquer. Ma vie, j'grille leur secret quand ils s'arrêtent près du bac à disque. Les mises de mes ennemis me kiffent. Déchire ma chemise, sniff mon corps, c'est ma pêche. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Je suis posté devant le bac à disque, j'enlève les disques. Il analyse la bombe comme ton compte par un gars du fisc. Mission désamorcer le truc. Plouf, pour trouver le bon bouton quand je le touche, hein. 150, 150, à mon avis j'ai réussi 150. Même si c'est faux, je m'en fous, je m'en vais. Je prends mon veston et je m'en vais. Au moment où je taille, high mes épaules, mon dos. Hop là, cascade cop, Jean-Paul Belmondo. Ils sont gros et trop fâchés. Y'a un tas d'assassins qui l'ont cassé, un jouet qui tue en masse. Donc débute le combat, deux pompes, trois tractions, cinq abdos. Et j'entre en action, 360 les bras écartés, 5 éclatés. Avec deux crânes je fais casse noisette, pendant que mon pied droit frappe trop fort comme dans les films chinois. Wow. C'est type au sol, je rigole pas, j'en prends un, j'essuie le sol. Le con décolle et atterrit sur ses 30 potes. Il me reste 40 secondes, moi le combat. Mieux que James Bond, soit 30 secondes pour que la bombe saute. Je suis John Smoke, faut que stop tout. Mission spéciale, ma client, Renoir Chouan ou Babou. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les main, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. À la sortie on m'intercepte, c'est le boss. Poseur de bombe, loser, son nom c'est Billy. Belle caisse, Mercedes. Belle aise à la main, promet la mort comme un homme politique. Hey Bill, 10 minutes ton débit naze. Bon tiens, 10 dollars, paye-toi la Libye, 3 limonades. Pendant qu'il boit, tu me vois me sauver. Je veux pas être là quand la chose explosera. Je suis John Smoke, alias Mo Green, alias Hawks.